Avenger. Yeah, yeah, yeah, yeah! Hold the Grudge avec Our Home, qui a été précédé, bien sûr, de l'introduction pour les séries de hockey, c'est-à-dire la pièce Our Team de la formation de Prowlers de Montréal, car tant et aussi longtemps que les Canadiens seront dans la course vers la Coupe Stanley. Mais la chanson que The Prowlers ont fait sur eux va jouer comme intro à Sky Punk. Et aujourd'hui, on en est à notre 526e émission. Et là, on commence immédiatement avec le second bloc ou la seconde partie du bloc Montréal versus New York. Alors après avoir éliminé Tampa Bay, mais j'avais pas trouvé des bennes pour Tampa Bay. J'avais pas parti de concept à cette époque-là. Mais en tout cas, on a clenché Bruins et il y a de cela 3-4 émissions. Et bien c'est sûr que le bloc était contre Boston, mais là c'est contre New York. Deuxième partie. Alors aujourd'hui, afin que les Canadiens soient continuent sur leur lancée, eh bien, on va y aller avec les rejets de Satan et la pièce Assassin dans la Lune. Alors, en espérant que les rejets de Satan portent chance aux Canadiens. Ensuite, nous aurons, pour représenter la ville de New York, même s'ils viennent plus du New Jersey, mais ils sont quand même très bien connus sur la scène new-yorkaise, Inspector Seven, avec la chanson Un Butterfinger, extrait de leur plus récent album sorti en 2013 sur l'étiquette portant le nom de Little Dick Man Records, c'est-à-dire l'album Escape and Illusion. Ensuite, nous aurons la gâchette avec la pièce Jerry de Ramones avec la chanson Pinhead, car les Ramones, ouais, c'est un classique de New York. Et puis après ça, pour représenter Montréal, Action Sédition avec Comptez sur moi. Et finalement, nous aurons The Templars avec la chanson Night of the Seagull, extrait de l'album compilation Reconquista. Alors sur ce, allons-y immédiatement dans le coin rouge, c'est-à-dire le coin de Montréal, avec les rejets de Satan et la chanson Assassin dans la Lune. Allez, go Habs go, ça nous fait parler, boire de la bière. Yeah!

dead. From the shores of which you terror as a land. Find a good descendants, a moving train you. Where'd you save you now when I'm sorting you through? Got an Jesus, ain't the issue anymore. For these men, it's not all the score. The missing shows the men, women and kids. And they were killed for things they never did. Back from the dead, you exact vengeance. Those have been trained and were put to the sword. Even when blind and fury drives on. Stand in the way and enjoy them in hell. Losing their hearts, double is death. Give them a start. You wanna know how many will be dead. Look at the beach, and count all the heads. Back to the sea before the crack of dawn. Till the time's right for this hell's born. Then I'll be time for you to run again. Unless you think you can stop these undead. Back from the dead to exact vengeance. Those who betrayed them were put to the sword. Even when blind and fury drives on. Stand in their way and destroy them in hell. Écoutez toujours Skypunka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières en compagnie du camarade B. Et qu'est-ce qu'on a eu au cours des dernières minutes? Eh bien, je vais vous dire tout ça avec bien sûr du rectum en background car les rectums sont en spectacle ce soir avec SNFU. Alors son recul de quelques pièces, on avait eu tout d'abord au début du bloc là, qui a joué. On avait eu ce qui suit. Ça avait commencé avec les rejets de Satan et la chanson Assassin dans la Lune. Après ça, on avait continué avec Inspector Seven et la pièce Butterfingers, La Gâchette avec Jerry, Les Ramones avec Pinhead. Après ça, on avait eu Action Sédition avec Comptez sur moi, ainsi que The Templars avec Night of the Seagulls. Vous avez bien remarqué que il y a toujours eu en alternance un groupe de Montréal, un groupe de New York, un groupe de Montréal, un groupe de New York par la suite. Ouais. Alors, c'est ça. C'était la seconde partie de ce bloc Montréal versus New York. Et j'espère que vous avez aimé ça. Puis j'espère que la semaine prochaine, eh bien, Montréal sera rendu à un autre opposant. Et puis qu'il n'y aura pas de troisième bloc Montréal versus New York. Ça sera Montréal versus quelque chose d'autre. Reste à savoir s'il va y avoir assez de groupes à combler. Tu sais, Chicago, ouais, il y a des Tossers et Screeching Weasel, je crois, ils viennent pas trop loin de ça. En tout cas, ils ont une chanson sur Chicago. Mais bon, on n'est pas rendu là. Alors, là, on va aller en musique, justement, avec deux formations qui sont en spectacle ce soir au Manchester à Trois-Rivières. Tout d'abord, les Rectum. Pour les Rectum, on va entendre, après la pièce Rock'n'Roll qui joue présentement en background, là, on va entendre Big Truck ainsi qu'Affaire de drogue. Par la suite, eh bien, nous aurons deux pièces de SNFU, la chanson I'm Really Scared ainsi que Loser at Life, Loser at Debt. Puis après ça, je vais vous faire jouer quelques autres pièces de SNFU. Il y a André Directum qui devrait s'en venir aussi, car imaginez-vous donc SNFU, là, devait être ici, mais là, les gars, eux autres, ils s'en vont à 5h du matin pour un vol pour Las Vegas, je crois. Une affaire comme ça. Je vais en savoir plus tantôt, là. Mais bon, bref, ils ne peuvent pas être là car ils sont vraiment trop fatigués. Ce qui me fait dire que je vais faire jouer justement plus de SNFU à la place. C'est pas plus grave que ça. Puis, si vous voulez les voir en spectacle, ben, ils sont en show ce soir à Trois-Rivières au Manchester avec les Rectum. En première partie, il y a Broadcast ainsi que un autre groupe là, dont le nom m'échappe. Et je vais vous en reparler plus tard, car j'ai pas le Flyers devant moi. Là. Cruising the Rubicon, quelque chose comme ça. Ouais, ça vient de me venir, de me revenir. Bref, on s'en va en musique avec les Rectum et Big Truck et Affaire de drogue. Après ça, SNFU et la pièce I'm Really Scared ainsi que Loser at Life, Loser at Debt. Puis ça sera suivi de d'autres pièces de SNFU là, que je vais placer comme ça. Là. Donc, let's go! Allez! Les Rectum! Ok, on est prêt. We'll be right back. Yeah. Yeah! SNFU! Alors, c'était SNFU avec la pièce Loser at Live, Loser at Death. Et juste avant ça, on avait eu I'm Really Scared. Puis, pour les rectums, on avait eu Big Truck ainsi qu'Affaire de Dog. En parlant des rectums, j'ai André Rectum ainsi que Danny des rectums. Et puis, du BITL Crew, GR, ma compagnie Jimbo. Comment ça va, gang? Ça va. Yes, sir. Ça va. Jimbo, approche le micro de ta bouche, ça va aller mieux. All right. Oh yes, là c'est parfait comme ça. Fait que, juste pour voir, parle-là encore juste une minute, juste pour voir si c'était le bon micro. 1, 2, 5, 6. Yes, ça c'est parfait. Fait que, on a les 1, 2, 3, 4 d'ouvert. Alors, ce soir, gros show, apparemment que M. SNFU est fatigué. Ouais, il est fatigué, mais il se lève de bonne heure pour aller en avion, pour aller à Vegas demain matin, fait que... Quelle heure? Ils dormaient tantôt. À 5h du matin. Ils sont en train de finir leur tournée. Ils finissent leur tournée ici, à Trois-Rivières, puis ils s'en vont d'un gros festival à Vegas. OK, moi, je pensais que la tournée faisait qu'il était... OK. Ils ont essayé de me faire croire qu'elle allait se laver à Montréal, puis ils retournaient dans l'avion, mais en tout cas, bonne chance à ceux qui sont dans l'avion. pas le temps pour tout de faire ça, voyons donc. Là. Hey, pas le temps de se laver. Non, ils se lavent. Je pense qu'ils vont être poignés pour se laver... Dans l'avion. Ouais. Bon. Hey, Jim, comment ça va pour BITL Production? Ben, à date, j'arrive du Manchester. Quand je suis parti, il y avait Broadcast qui était en train de jouer. Un bon public de 2-3 personnes, là, comme d'habitude. Trois-Rivières est en train de... Wow. Il est de bonheur encore. Là. Tu sais que... Non, mais tu sais. Aïe. Ouais, c'est plutôt difficile ces temps-ci. Puis en tout cas, je pense qu'on a essayé beaucoup. Puis à force d'essayer, ben je pense que c'est pas qu'on est découragé, c'est juste qu'on a le goût de mettre nos efforts peut-être ailleurs, dans nos projets. Parce qu'ailleurs, vous autres, ça a l'air pas pire quand même quand vous organisez Québec ou Montréal ou d'autres places, là, ça arrive sud, là, ça a l'air élevé quand même. Ouais, à Montréal, tu te trompes pas, mais nous autres, on organise plus au TRH Bar Montréal. Mm-hmm. Québec, ça fait un petit bout qu'on n'a rien organisé, mais on sait que ça marche quand même assez bien. Trois-Rivières, la scène, ben, on va dire les vraies affaires, c'est un peu de la merde. Bon, la scène, finalement, ça s'en tient aux bons vieux tripeux qui sont dans les bennes, puis on dirait que les... Ouais, c'est ça, mais on peut pas se fier à une scène de musiciens parce que, tu sais, quand c'est tes chums musiciens qui jouent après toi, quand t'es en train de jouer, c'est un petit peu ordinaire. Fait que ça a déjà été. Ouais, ben c'est ça je dis. C'est vrai, ça. André, il a right the fucking end. That's it, man. Valeur pareil, parce qu'il y a un certain temps, Trois-Rivières, pour une petite ville, avait quand même un gros auditoire punk. Tout ça pour dire que. On va slacker, BITL, ça va slacker. Je sais que le monde va sûrement s'ennuyer puis ils vont bitcher à propos de ça. Puis, le monde bitch quand on fait des shows puis ils vont bitcher parce qu'on n'en fait pas. Fait que... Je suis en train de bitcher, moi, là? Non. OK. T'es fait que ça s'en vient sur le downfall un peu. On va se concentrer sur nos projets un petit peu plus personnels. Tu veux-tu du ritalin? Ce qui veut dire le retour de ton... Là, c'est plus BITL. Là. C'est comment il se nomme votre nouveau groupe là, à toi et Dave? We Told You So. We Told You So? Ouais. We Told You So. Ah, We Told You So. OK. Fait passer une toune de Nobody's. Ouais, c'est une toune de Nobody's. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Puis comment ça va, ça, pour ça? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Ça avance tranquillement, mais justement, tu sais, c'est ça. C'est difficile de booker puis de faire de la musique en même temps. Fait que je pense qu'on va être plus dans la musique et moins dans le booking. Un peu dans le temps que vous aviez juste votre groupe BITL, tout court. Jusqu'à temps que le monde s'ennuie puis que peut-être un jour la scène va se relever. Mais là, on l'a eu à bout de bras un petit peu trop longtemps. La scène est debout. C'est l'auditoire qui est assis. Ouais, non, l'auditoire, s'il serait assis, on serait bien content. C'est ça. S'il serait là. Parce que les bands sont là. Les bands sont là, tout est là. Il y en a plus qu'un. Il y a autant de punk qu'il y en avait dans le temps, sinon plus. Puis check Rectum, si, ils sont revenus. Il n'y a pas de bonheur un peu. Peut-être qu'il y a 10 heures ou plus de monde. Il y a de bonheur. Non, mais on parle en général. Ouais, en général, je veux dire, moi, je ne boucle plus. C'est plate comme ça, là, tu sais, je reçois des messages. C'est plate. T'es un vrai motivateur. Non, mais c'est plate de dire à nos chums, parce que c'est tous nos chums, les gars qu'on book, là, c'est juste du local. C'est juste plate de dire, on le fait pas parce qu'on sait que justement, on va sortir de l'argent de nos poches, puis ça commence à coûter cher. Hein. Ouais, ça doit être. Mais bien, alors vous voyez, c'est ça la réalité du monde punk. Beaucoup de bénévolat pour des fois. Ouais. Bon! Et du beurre de pinot. Du beurre de pinot. Mmh, sortons prépiche. En tout cas, à soir, faut dire qu'il y a deux très bons. Il y a vraiment deux bons groupes là, qui sont là au Manchester. Là. Hey man, c'est les légendaires SNFU, Society No Fucking News. Ça le dit. Je pense que leur premier show, ils l'ont fait presque quand je suis né. Wow! Non? Ils ont commencé en 82. En 82, il y avait ça qu'ils nous disaient tantôt, il y avait 19 ans. Ils commençaient, ils ont sorti le Jeremy en 82. Chai Pig commençait un peu magané, mais grâce à Dieu, je pense qu'il a trouvé la voie de. Je pense que ça fait 14 ans qu'il a arrêté de consommer. OK. Une chance. Ouais, car selon le nouvel album, la voie est différente d'avant. Hein? C'est sûr, il parle comme ça, je parle. Ah, il est ici aussi. S'il manque comme du cul, il manque comme pas dedans. Ouais, c'est ça que je pensais, me faisait penser un peu comme la chaîne des fougues. Ah ouais, moi, pareil. C'est une histoire, même. André, lui, il faudrait qu'il marche. Il faudrait qu'il s'en fasse enlever, ouais. Non. Bon, ben. Fait que, sur ce, on y va en musique. André, tu m'avais suggéré deux tunes de SNFU. La pièce Miss Fortune. Ainsi que Cannibal Café. Ouais, c'est en plein ça. Fait que, go! Alors, n'oubliez pas, SNFU, les Rectums sont en spectacle ce soir. Si vous voulez encourager la scène locale, plus un bon vieux groupe, un bon vieux groupe punk canadien, venez au Manchester. Il y a même un band de France qui est en train de jouer, là. Drette là. Qui s'appelle? Broadcast. Now. Crossing the Rubicon. Broadcast, c'est... De Montréal. De Montréal, OK. Crossing the Rubicon joue juste ouais. Dans une combien de temps? À peu près. Ils sont sûrement en train de jouer en ce moment, ouais. Puis j'ai salué. Puis c'est des bons potes à moi, you know. Ouais, non, c'est des bons petits Français, des bons petits Parisiens. Puis c'est même pas. Ça fit même pas avec SNFU. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas senti. Tu l'as jamais entendu pour de vrai. Ça, c'est rien, là. Non, mais ouais, moi je l'ai pas dans les oreilles comme toi, mais en tout cas. Ah, ouais, c'est vrai, tu l'as pas dans les oreilles. En tout cas, moi, je l'ai dans les oreilles. Moi, j'ai rien que trois mots. Je punk, punk's not dead. Ouais, c'est ça. Almost. Yes. Bon, ben. Go SNFU, on se revoit tantôt. Allez. Of hand. C'est toujours Sky Panka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Alors, il n'y a de cela pas trop longtemps, eh bien, on avait eu justement la gang des Rectum, plutôt deux des Rectum, André, qui fait la base et le vocal, ainsi que Danny, qui est le nouveau lead guitariste, et il y avait également Jimbo, connu aussi sous le nom de Jim, du BITL Crew. Et ouais, je pense que là, t'sais, pour ceux qui critiquaient qu'il n'y avait pas assez de choix à Trois-Rivières il y a deux ans, ben il y en avait plein depuis de deux ans jusqu'à aujourd'hui. Et là, comme le résumé Jimbo tantôt, ben écoutez, vous voulez qu'il y ait des shows, déplacez-vous parce que les autres sont vraiment BITL Production qui attiraient plein de groupes ici. Hein. Ils sont vraiment, sur le bord de mettre la clé dans la porte de l'organisation BITL Production parce que, come on, il y a des bons shows puis ça se déplace peu. C'est bizarre, parce que à Montréal et à Québec, la scène punk se porte très bien. Même à Joliette, qu'on m'a dit, c'est vraiment pas pire à Joliette. Une belle scène. Trois-Rivières, eh bien, coudonc. Restez chez vous, tant qu'à y être, puis écoutez la radio, là, puis vos tolérements, pourquoi pas. Bon. En tout cas, nous autres, on continue en musique avec Angelic Upstart. Et puis, 4 de leurs pièces. Et pourquoi Angelic Upstart? Eh bien, c'est qu'Angelic Upstart, la semaine prochaine, en fait, vendredi prochain, ils sont en show au Foufoune électrique en compagnie de Prowlers, de Class Assassin. Il va y avoir également avec eux autres Action, Sédition et La Gâchette. Donc, très bon, très gros show qu'il va y avoir à Montréal vendredi prochain au Foufoune électrique. Et Angelic Upstart, ils ne sont pas venus à Montréal depuis 1982. Donc, ça fait vraiment un bon bout de temps qu'ils ne sont pas venus ici. Et ce qui me fait dire que vendredi prochain, ben moi, j'ai pas d'émission. Pourquoi? Parce que je suis au show, puis je regarde Angelic, parce que ça va prendre un bout de temps, je crois, avant qu'il revienne ici. Bon, alors, pour Angelic Upstart, on va entendre les quatre pièces suivantes, c'est-à-dire « I Think It Should Be Free », qui est extrait de l'album portant le nom de « Kid on the Street ». Ensuite, nous aurons deux pièces live extraites de l'album « Anthem Against Come », c'est-à-dire « I'm an Upstart » ainsi que « Murder of Little Towers ». Et après ça, nous aurons une des pièces, la pièce clôture de l'album « Son of Spartacus », la pièce portant le nom de « Anti-Nazi », car Angelic Upstart sont un groupe vraiment antifasciste depuis le début qu'ils existent. Et c'est ça. Alors, si ça vous tente de venir voir Angelic Upstart, je vous rappelle que c'est la semaine prochaine, donc vendredi prochain au Foufoune électrique, en compagnie de la formation montréalaise The Prowlers, d'une bonne formation de l'Ontario de Class Assassin, et de deux autres groupes de Montréal, c'est-à-dire La Gâchette et Action Sédition. Alors, allons-y immédiatement avec Angelic Upstart et la pièce « I think it should be free ». Je vous rappelle que vous écoutez Sky Panka. Just to be free. Living under cloudy. Blablabla. Alors, c'est ça, on enchaîne sans plus tarder avec la chanson I'm an Upstart d'Angelic Upstart, là, maintenant. Song's the first ever single we released. It's called The Murder of Little Towers. Who killed Little? Do you kill Little? Kill Little. murder. Unpaid murder. Murder. Unpaid murder. Murder. Unpaid murder. We'll be right back. Angelic Upstart avec la pièce Anti-Nazi, extrait de Son of Spartacus. Juste avant ça, on avait eu tout d'abord I Think It Should Be Free, I'm an Upstart, ainsi que Murder of Little Towers. Excusez-moi, c'est au début de I'm an Upstart, j'étais tombé sur la pièce England. C'est juste que sur l'album live, ben justement, faut comme décaler une toune après l'autre, car l'introduction, ouais, tu sais, quand tu lis en arrière, c'est écrit 00, ce qui fait que tout se redécale. Et quand tu mets ça vite dans un lecteur, on y pense pas tout le temps. Mais bref, ça a joué quand même, et je suis sûr que vous aviez été content d'entendre du bon Angelic Upstart. Et là, on continue en musique avec Jeunesse Apatride. Jeunesse Apatride qui font leur dernier spectacle ce soir, en tout cas, du moins officiellement pour l'instant, c'est leur dernier spectacle à vie. En même temps, c'est le lancement de leur album portant le nom de Jusqu'au bout. Et puis, c'est leur show d'adieu. Alors, si vous les avez manqués lors du spectacle de Stage Battle à Montréal le mois passé, eh bien là, c'est votre seule et unique dernière chance de pouvoir voir pour une dernière fois Jeunesse Apatride, à moins qu'ils peut-être seraient de retour une autre fois plus tard dans des années. On sait jamais. Mais bon, pour l'instant, c'est leur dernier show à vie aujourd'hui à Montréal, au Catacombes, en compagnie de Action Sédition et de Mayday. Et pour Jeunesse Apatride, nous allons entendre la chanson Sombre Présage, qui est bien sûr extrait de leur plus récent album qui sort aujourd'hui, là, en vinyle et en CD. Et si vous êtes à Montréal, ben, allez au show, vous allez l'avoir en même temps. Et donc, je répète le titre de leur nouvel album, Jusqu'au bout. Alors, c'est cela. Après Jeunesse Apatride, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous aurons The Class Assassin avec Sex and Gun, ainsi que Channel 3 avec One More for All My True Friends, que je vais dédier, tiens, à Bobby Blouin de Trois-Rivières, Dave et Jimbo du BITL Crew, ainsi que André Rectum et sa gang de Rectum. Yes! Allez! Go! Jeunesse Apatride et la pièce Sombre Présage. Chaque fois un peu plus vite, il croit devenir. Vous écoutez toujours, bien sûr, Sky Panka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et tout juste avant de ce bloc de publicité, on a eu Channel 3 avec la pièce One More for All My True Friend, qui est extrait de leur double album CD et DVD portant le nom de cette même chanson, c'est-à-dire One More for All My True Friend. Ce qui est le fun de ça, c'est que vous avez à la fois un CD et un DVD. DVD d'un show, justement, de Channel 3. Ça, c'est apparu en 2008 sur TKO Record. Mais le spectacle, lui, datait de 2006 ou quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Et puis, c'est ça. Mais ça, bon. Toujours est-il que le CD a quand même sorti en 2008. Mais il me semble que le spectacle avait été en 2006. Bon! À part de ça, qu'est-ce qu'on a eu avant ça? On avait eu Jeunesse apatride avec Sombre présage, extrait de l'album portant le nom de Jusqu'au bout, Et ce soir, c'est le show d'adieu de Jeunesse Apatride à Montréal, bien sûr, au Catacombe, en compagnie de Mayday et de Action Sédition. À part de ça, au cours du dernier bloc, on avait eu également de Class Assassin avec Sex and Gun. De Class Assassin qui seront en spectacle la semaine prochaine au Foufoun Électrique à Montréal, en compagnie de Angelic Upstart, The Prowlers, Action Sédition et La Gâchette. Maintenant, on continue en punk et en oi avec les groupes suivants. Tout d'abord, de Grande-Bretagne, Menace avec la pièce Party Animal, pièce que vous pouvez retrouver sur l'album Too Many Punks Are Dead, extrait de la... voyons, qu'est-ce que j'ai dit là, extrait? Paru en 2003 plutôt. Et puis après ça, vous aurez le groupe français Lion Law avec la chanson Lafayette, pièce que vous pouvez retrouver sur un album sorti en 2013 et portant le nom de A Day Will Come. Ensuite, vous aurez La Théorie du Boxon avec une de leurs nouvelles compositions, la chanson Position, qui est extrait de leur split avec la formation provenant des Philippines. Alors, le groupe dont je cherchais la place la semaine passée, c'est-à-dire Istukas Over Disneyland, viennent des Philippines. Alors, le groupe français La Théorie du Boxon, c'est avec Istukas Over Disneyland qu'ils ont fait leur split là, très récemment sur l'étiquette portant le nom de Rusty Knife Record. Et alors, pour la formation Istukas Over Disneyland, vous allez entendre la chanson CLTV Maku Naku Ken Ernigan, qui veut dire finalement CLTV Get Off The Air. Ouais. Bon. OK? Sur ce, allons-y avec ce bloc qui débute dans un instant avec une des nouvelles chansons de la formation Menace. You know, Is that all right, then? Is that all right? Just a party animal, totally inflammable. Just a party animal, totally inflammable. We'll be right back. care mo kay the boom up Baka kayo yung katutuan Sabi ako may care kayo natutuan Ikaw ka na lang tuta sa din Ikaw kayo mabay the boom up Ikaw anak puta, ikaw ang anak puta Eh yun na Bien, panic, you ain't get them done, they wanna cuento Mago na ko, King L.A. Nalok yung MVG yung musical, makarain na kayo, yan yung yanong disco Mago na ko, King L.A. Metro yung makalimang politiko, ang gagamit patriotismo Kamang panigay yung karaman nyo, ina kayo masusupresa Metro yung makalimang politiko, ang gagamit patriotismo Kamang panigay yung karaman nyo, ina kayo masusupresa Ikaw anak puta, ikaw anak puta Eh yun lang, kaya nilang pasipayo Ikaw anak puta, ikaw Istukas over Disneyland avec la chanson CLTV Mako Naku Kenerenugan qui veut dire CLTV dégage des ondes. Bon, trois pièces avant ça, on avait eu Menace avec Party Animal qui est une de leurs nouvelles compositions. Menace, c'est un vieux groupe punk des années 70, ben, punk et oi des années 70-80. Mais ils ont fait un retour depuis la fin des années 90. Ils ont bien sûr un nouveau chanteur, car au show, il me semble que leur drummer avait dit que leur chanteur était mort, je pense, en 91, me semble, leur chanteur original. Et depuis ce temps-là, c'est le fils du drummer, finalement, qui chante pour eux. Et c'est très bon, ça, dit en passant, en spectacle, le Menace. Si vous ne les avez pas vus depuis qu'ils sont reformés, ça va à peine, c'est vraiment bon. Après ça, Lion Law avec Lafayette. Puis on avait continué avec la théorie du boxon avec Position, qui était extrait, bien sûr, de leur split avec Istukas Over Disneyland. Et pour cette même formation que je viens de nommer, c'était, leur pièce aussi était extraite du split qu'ils ont fait avec la théorie du boxon. Maintenant, aujourd'hui, on se quitte avant que je m'en aille, avant que je vous quitte moi-même et pour aller voir le spectacle de SNFU Manchester avec les Rectum. Apparemment, ça commence à se remplir pas pire, là. C'est ce que Dave vient de me dire. Je pense que ça va faire plaisir à Jimbo suite à son dead call de tantôt. Ouais. Bon, OK. On se laisse avec les Planet Smashers et la chanson « They Don't ». Extrait de leur plus récent album portant le nom de Mixed Messages. Et après ça, nous aurons Rude Boy, qui est la formation ska des membres de The Oppress. Alors pour The Rude Boys, nous allons entendre la chanson Ska Fever, version originale. Et finalement, nous aurons The Pioneers avec Do What You Want To Do. Extrait de I Believe in Love, paru en 1972. Bye bye, et dans deux semaines, car la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. quand je serai à Angel Cup Start. Bye, à dans deux semaines. Et d'ici là, continuez à écouter du punk.